Question numéro 16. Qu'est-ce que l'unicité d'Allah dans les noms et les attributs? Ma huwa tawhidullahi fil asma'i was sifat.